Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Salut. 9 ans après la disparition du multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini, la Ligue Junior 3 serait intéressée à revenir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est du moins les propos tenus hier par le directeur des communications Yves Bolduc sur les ondes de danradiosport.com. Yves Bolduc a mentionné que les conditions ont changé maintenant dans la Ligue Junior 3. Ils ont distribué ces franchises. Je te donnais l'exemple de l'Everest de la Côte-du-Sud qui va débuter en septembre 2018, ses activités. Mais ça fait déjà plus d'un an que les gens sont en possession de la franchise, donc ils travaillent pour préparer cette entrée-là dans la Ligue, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, c'était malheureux. Je pense entre autres à peut-être la mauvaise expérience chez vous là, avec le multiconcessionnaire, avec l'équipe de Pont-Rouge, des formations qui ont été accordées avec seulement 3 mois d'avis. Là. Donc, ils devaient se retourner de bord rapidement. Puis malheureusement, on s'est rendu compte que les conditions qui étaient données également à ces formations-là, dans le cas du multiconcessionnaire, devaient payer le transport des autres équipes. Mais ça devenait très difficile pour eux. Puis je pense pas qu'aujourd'hui, une formation, en tout cas, c'est le cas à Québec, là, ils payent pas le transport de personne qui va aller jouer chez eux l'an prochain. Puis Bolduc mentionne les marchés de Roberval et la Baie qui pourraient être attrayants pour la Ligue Junior 3. Ou au Saguenay, je m'avance là parce que je suis un gars du Saguenay, donc je pense à des villes comme Roberval qui pourraient être intéressantes, qui ont des installations renouvelées. Je pense également à Ville de la Baie qui possède aussi un aréna et un milieu là, qui serait propice à du hockey junior 3. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que nous, on vise pas à aller compétitionner le collégial ou ces choses-là. On le sait qu'il y a une formation collégiale à Alma, entre autres, si on parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils font leurs affaires, puis nous, on fait nos affaires, comme à Montréal. Il y a plusieurs formations. C'est aussi qu'on pourrait suivre au cours des prochaines années. Maintenant, on va parler du pré-camp d'entraînement au football des Janois d'Alma, qui s'est tenu en même temps que celui des Cougars de Chicoutimi. Ça s'est tenu la semaine dernière. Jean-Philippe Caron-Tremblay, qui est l'instructeur, se dit quand même content de ce qu'il a vu. Premièrement, on avait nos tests physiques le vendredi. Okay. Je pense que les gars se sont entraînés fort. Ça, ça a paru vraiment au niveau des tests physiques. On a eu des bons tests, beaucoup de tests, de la force aussi, des déplacements, des choses comme ça. Donc, ça a été très positif pour ça, je dirais. Ensuite de ça, au niveau du calibre de jeu, c'était bon. Moi, je pensais avoir 35 gars, puis on a eu une trentaine de gars. Donc, ça, c'est sûr que j'aurais aimé savoir un petit peu plus de gars, mais pour le reste... Dans un deuxième temps, Jean-Philippe Caron-Tremblay nous mentionne qu'il y a eu quand même certaines belles surprises au camp d'entraînement. Ben, que je m'en attendais pas vraiment, mais je dirais qu'il y a quelques jeunes là, qui ont sorti du lot là, assez évidemment. Donc ça, c'est des jeunes recrues là, qui ont pris leur place là, dès les premières pratiques. Donc ça, c'est très positif pour ça. Là, donc ça, c'est un plus. Je dirais pas, j'ai pas eu d'invités que je m'attendais pas, mais ceux qui sont venus, là, on a été agréablement surpris de leur part. OK. Jean-Philippe, as-tu travaillé dans un dernier temps? Ben Jean-Philippe Caron-Tremblay nous mentionne qu'il a travaillé fort sur le recrutement cette année. On sait que ça a été un problème de joueurs l'an passé chez les Genois d'Alma. Oui, en tout cas, le vitrier de fort, là, c'est certain. J'ai fait du recrutement là, partout, presque partout au Québec, dans la France aussi. Donc, pour ça, on a travaillé très, très fort. Je pense qu'à date, ça va quand même bien au niveau du recrutement. Ça va être mieux. Là. En passant, on a commencé l'année avec 32 joueurs. Puis on vise entre 35 et 40. Plus proche du 40. Ça, c'est du 35. Okay, parlons maintenant de Samuel Girard qui a signé une entente de 3 ans avec le concessionnaire automobile du Chain Auto d'Alma. Samuel Girard va devenir l'ambassadeur de ce concessionnaire automobile. L'entente entre le commerce d'Alma et le défenseur de l'Avalanche du Colorado est une durée de 3 ans. Le journal Le Quotidien nous annonce ce matin qu'il y aura une équipe cadette de Division 2 à la polyvalente de Darvida. Ça va s'appeler le bleu et or de l'endroit. Les activités de cette formation devraient débuter à l'automne prochain. Et le club de golf de Saint-Prime va ouvrir ses portes dès demain à 9h. Le terrain pratique lui est déjà ouvert depuis lundi. Rappelons que la corvée du club de golf de Boumsesni aura lieu demain. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entendu d'abord avec plusieurs intervenants. On a parlé avec Gilles Péloquin de la Ligue nord-américaine de hockey. On s'est également entretenu avec Yves Bolduc de la Ligue Junior 3. On a également parlé aussi avec Jean-Philippe Caron-Tremblay des Genois d'Alma et Stéphane Lebeau. Il fait le bilan du côté des séries dans la Ligue nationale de hockey. Le sport local et régional à danradiosport.com. La référence du sport, on s'en occupe.